Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Épisode 8. L'obsolescence des travailleurs. On n'a pas le pouvoir sur notre propre vie. On l'aménage à partir d'une situation dans laquelle on arrive. Cette situation, elle est fabriquée ailleurs. Pas pour satisfaire nos désirs, mais pour nous piéger comme outil. Comme roi de la production marchande. Moi, je voulais être agriculteur. Et je travaille ici. Qui a décidé pour moi? Cherbourg, début avril 78. Une petite annonce dans le journal local. Société de nettoyage industriel embauche laveur de carreaux. André, 25 ans. Père d'un enfant et d'un autre à naître, chômeur depuis des mois, niveau BEPC, et prêt à tout pour trouver un emploi. À l'agence de la société Honnête, on lui propose un contrat de 3 mois renouvelable, à condition qu'il satisfasse à l'examen médical. Il témoigne. Lundi matin, 8h. Par la route qui relie Cherbourg à la pointe de la Hague, la colonne des cars atteint la double enceinte grillagée du centre atomique de retraitement. C'était donc ça. J'étais intrigué. 2 oncles de ma femme avaient travaillé ici, mais jamais ils n'en parlaient. La formation? Rudimentaire. 3 jours à peine, dans une salle de cours. Un atome c'est quoi? Et un rayon alpha, bêta, gamma. Aujourd'hui encore j'ai pas très bien compris. La différence entre contamination et irradiation. Jeudi matin, 8h. Le vestiaire. Zone 700. Slip, chaussettes, pantalon et veste de coton blanc, chaussures souples. Contrôle du stylo dosimètre de poitrine par un membre du SPR. C'est le service de protection des radiations. On passe un premier sas. Zone 800. Combinaison en coton blanc à bandes rouges. Cagoule de coton. Masque à gaz. 2 paires de surbottes en coton. 3 paires de gants en latex scotchés. Fait une chaleur épouvantable là-dessous. De nouveau un sas, zone 900. J'enfile par-dessus tout ça, la tenue Shadok reliée à un tuyau souple d'arrivée d'air frais. Au début c'était la panique, j'étouffais là-dessous. Sous cette tenue, sans parler du risque qu'il y a à la déchirer, on perd facilement de 1 à 3 kilos par jour, par transpiration. Le soir, je parle plus que de ça à ma femme, à mes amis. Je veux arrêter, trouver un autre emploi. Mais à Cherbourg, par les temps qui courent. Les contremaîtres de la société Honnête, au vestiaire, raillent, les fillettes, ceux qui se dégonflent. Il y a des gars un peu kamikazes qui aiment cette ambiance de baroudeur de l'atome. Ça consiste à travailler la plupart du temps à 4 pattes, avec le masque. Pas plus de 4 heures par jour, prévoient les conventions collectives du CEA. Nous n'en faisions jamais moins. À l'aide de petits cotons, imbibés de White Spirit ou d'acétone, ou d'un tampon Jex et d'Ajax, ou encore d'un aspirateur, nous nettoyons les surfaces de ciment ou de tuyauterie contaminées. C'est toujours un spectacle assez hallucinant de voir, dans cette usine soi-disant atomique, une 50aine de gars, à 4 pattes, dans un hall immense, tenter de résorber une contamination, Parce que l'usine de La Hague est trop vieille, ça pisse de partout là-dedans. La contamination est de plus en plus tenace, de plus en plus importante. Théoriquement, quand ça pète quelque part, le SPR part d'abord, mesure la dose qu'il y a, et balise la zone que nous devons décontaminer, avant que les techniciens et les chimistes n'y remettent les pieds. Théoriquement. Car un jour, un petit chef de Honnête, qui en avait assez d'attendre les gars du SPR, a voulu me faire intervenir, à son idée. C'était encore en zone 900. Il s'agissait de nettoyer un éjecteur, une sorte de pompe qui fuyait avant de le démonter. Le petit chef voulait m'y envoyer comme ça, en tenue Shadok, avec un tampon Jax à la main. Heureusement, le gars du SPR est arrivé. Il l'a engueulé. L'irradiation était telle à cet endroit que j'ai dû travailler à distance, muni d'une longue perche avec le tampon Jax au bout, protégé par une planche en bois au niveau du bas-ventre. Ce jour-là encore, j'avais pris ma dose. Au cours des 6 mois que j'ai passé à La Hague, je serai contaminé sérieusement, par 3 fois. À chaque fois au cou, par la sangle du masque. Trop longue, elle traîne sur le sol quand on est à 4 pattes. Au déshabillage, j'ai retiré le masque trop vite, la sangle m'a touché. Conduit au service médical, on m'a décontaminé. Plusieurs shampoings, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces. Puis analyse d'urine et de sel. On te donne 2 bocaux, tu dois remplir chez toi pendant 3 jours. Puis un soir, au vestiaire, une semaine avant la fin de mon contrat, un petit chef est venu me voir pour me dire que demain, c'est pas la peine de revenir. Pourquoi ? C'est secret. DST. J'ai eu beau réclamer mon dossier médical à la COGEMA et à la société Honnête, à laquelle le centre l'a communiqué, j'ai jamais pu l'obtenir. Si bien que je sais pas exactement les raisons politiques ou médicales laquelle a réellement motivé mon renvoi. J'avais pris contact avec des écolos pour les mettre au courant de la situation. Janvier 1976, un médecin rencontre un travailleur de l'usine et sa femme. Dans quelles conditions se fait une intervention en zone radioactive ? Ce sont des conditions très pénibles. De plus, il y a le danger d'irradiation, de contamination qui est constant et qu'on traîne avec nous. Irradiation, effet du rayonnement émis par un corps radioactif. L'importance de cet effet sur un organisme vivant est fonction de l'intensité et de la nature du rayonnement. L'intensité dépend de la distance entre la source et le tissu irradié. La contamination résulte de la dispersion dans l'environnement de particules radioactives. Chaque atome radioactif se comporte comme un émetteur isolé. Pour les organismes vivants, la contamination peut être externe, par souillure de la peau, ou interne, par absorption respiratoire ou digestive. De plus, c'est toujours confiné. Hein, et tu te sens un peu écrasé, quoi. Si t'as le malheur de penser, quand t'as le masque sur la figure, ou avec l'air respiratoire, si tu penses qu'il faut respirer, tu vois, c'est tout bête, penser qu'il faut respirer, hein, et ben, tu t'étouffes. T'attrapes un rythme tel que tu étouffes. J'ai vu, moi, être obligé d'attendre, par exemple, quelque chose qu'un camarade va chercher à l'extérieur. Si tu attends 10 minutes, tu es obligé de t'asseoir, tu te mets à réfléchir, t'as envie de sortir, quoi, tu te mets à toute vitesse. Le seul moyen d'oublier, ben, c'est de bosser, tu vois. Deux ans après avoir commencé ma vie nomade de gitan, je suis entré pour la première fois dans le conteneur d'un générateur de vapeur. À l'époque, je travaillais à la centrale de Genkai dans la préfecture de Saga. Le générateur produit la vapeur qui fait fonctionner les turbines situées ailleurs dans la centrale. Le niveau de radioactivité dans le bâtiment de confinement est très élevé comparé à celui des autres compartiments de la centrale. Mon travail consistait à pénétrer dans le générateur et à y installer un robot, qui permettait de voir les éventuels dommages causés au générateur. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'un collègue m'a remplacé et est entré dans le générateur pour y installer le robot. Mais après l'installation, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Le robot ne répondait pas et ne pouvait pas être manipulé de l'extérieur. Il y a de nombreux petits trous sur les parois de la partie centrale du générateur, et les 6 pattes du robot manipulées par télécommande permettent normalement de surveiller le générateur à travers ces trous. Les employés chargés de la supervision de l'installation ont donc conclu que les pattes n'avaient pas été bien installées. Le robot peut tomber en panne à tout moment lorsque ses pattes ne sont pas complètement insérées et que rien n'y est fait. Si cela se produit, alors on perd une machine de haute précision. dont le coût est estimé à plusieurs millions de yens. Voilà pourquoi j'ai été envoyé à l'intérieur du générateur, sans avoir vraiment eu le temps de me préparer pour remettre le robot dans sa position de fonctionnement normale. J'ai commencé à m'équiper pour entrer dans le bâtiment, à un endroit près du générateur. Deux de mes collègues m'ont aidé à m'habiller. Je portais déjà deux couches de vêtements, j'ai ajouté par-dessus une tenue de protection, faite en papier et en vinyle, et j'ai mis un masque respiratoire. Puis, j'ai enveloppé mon cou, mes poignets et mes chevilles avec beaucoup de vinyle pour ne pas laisser la moindre ouverture. Après avoir mis ma tenue de protection, qui honnêtement vous donne l'air d'un astronaute, je me suis dirigé vers le bâtiment. Deux de mes collègues m'attendaient à l'entrée. Ils étaient employés par la JSNDI, la Japanese Society for Non-Destructive Inspection, et à ma grande surprise, ils ne portaient pas de tenue de protection, même si l'endroit était hautement radioactif. Ils ne portaient même pas de masque. Leur chef m'a appelé, a examiné mes yeux derrière le masque et fait plusieurs fois signe de la tête. Je présume qu'à mon seul regard, il a estimé que j'étais apte à intervenir dans le cœur du réacteur. Nous sommes entrés dans le générateur ensemble, lui et moi. C'était la première fois que je voyais le générateur de mes propres yeux. Il avait une forme ronde ou ovale, faisait à peu près 3 mètres de diamètre et occupait une position surélevée par rapport à la grille sur laquelle nous tenions. La base du générateur était à peu près aussi haute que mon épaule, soit à peu près 1 mètre 50. Tout en dessous, il y avait un regard et il était ouvert. J'ai tout de suite compris que j'allais devoir y entrer. L'employé de la JNSDI a passé son bras autour de moi et ensemble nous nous sommes dirigés vers le regard. Nous nous sommes placés sur le rebord et avons jeté un coup d'œil. Il y faisait sombre et l'air était lourd et irrespirable. C'était comme si quelque chose de sinistre vivait là-dedans. Je suis devenu pâle. Une légère sensation de frayeur m'a saisi. Il y régnait une atmosphère terrifiante et j'ai dû résister à l'envie de m'enfuir. Je ne voulais pas y aller, mais je n'étais pas en position de dire non. Le robot avait une forme carrée, 40 cm de côté, 20 cm d'épaisseur. On l'appelait le robot araignée. L'employé de la JNSDI a placé sa tête au bord du regard et m'a expliqué ce que je devais faire. On était peu conscient à l'époque des dangers de la radioactivité. Toujours est-il que je trouvais courageux et inquiétant le comportement de cet employé. Imperturbable, il n'a pas arrêté de regarder à l'intérieur. Et je me souviens m'être demandé comment il pouvait ne pas avoir peur. J'étais presque entièrement protégé et lui ne portait même pas un masque. Après avoir reçu les explications détaillées du travail que j'avais à effectuer à l'intérieur du générateur, le temps est venu d'y aller. Je me suis approché du regard, près d'une échelle, et l'employé de la JNSDI m'a fait un grand signe de la tête. Je me suis levé, j'ai monté l'échelle et poussé le haut de mon corps à travers le regard. À cet instant précis, j'ai senti ma tête être saisie par quelque chose qui la tenait serrée. Il y avait dans mes oreilles un son assourdissant. Repoussant la peur, j'ai placé mes mains sur le bord du regard et j'ai poussé de toutes mes forces dans le regard. Le bruit est devenu plus assourdissant encore. Un ex-employé des centrales nucléaires a raconté que la première fois qu'il était entré dans un réacteur, il avait entendu comme un bruit de crabe qui se déplace. Il disait qu'il pouvait encore entendre ce bruit même après être sorti du générateur. Même chez lui, après la visite de contrôle, le bruit ne le quittait plus. Il a fini par faire une dépression nerveuse. Un auteur a entendu parler de cette histoire. Il est entré en contact avec cet homme et en a tiré un roman. Le livre s'appelle « Le crabe du réacteur nucléaire ». Il a été publié en 1981 et était très connu des employés des centrales nucléaires. En ce qui me concerne, je n'ai jamais entendu ce bruit de crabe, mais j'avais la sensation d'entendre des sons très aigus et que ma tête était prise comme dans un étau. Arrivé dans le générateur, je me suis levé brusquement, ce qui a fait tomber mon casque. J'ai donc dû me tordre le cou et tenir les deux bras du robot dans cette sombre pièce, puis j'ai crié « Ok !». Le robot était débloqué et ses pattes étaient sorties du trou. Il n'était pas aussi lourd que je le pensais. Après avoir correctement positionné ses pattes dans les trous, j'ai fait à nouveau « OK ». Dans le noir, j'ai vérifié que toutes les pattes du robot étaient mises dans les trous. J'ai encore fait « OK » et je suis sorti du regard. Une fois sorti, j'étais en quasi-état de choc. J'ai regardé l'alarme et j'ai vu qu'elle avait enregistré une valeur de 180 sur une échelle allant jusqu'à 200. En 15 secondes à peine, j'avais été exposé à un niveau de radiation incroyablement élevé, 180 millirem. Ensuite, j'ai travaillé dans une autre centrale nucléaire, et même si c'était la deuxième fois, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir peur. À nouveau, j'ai dû faire face à ce bruit effrayant. « 20 millisieverts par an. C'est la dose réglementaire que les travailleurs ne peuvent dépasser. Cette norme a été fixée après la guerre. Elle se fonde sur les études faites sur la population à Hiroshima et Nagasaki. »« Ils en ont déduit que un salarié qui prendrait 20 millisieverts tous les ans, durant toute sa carrière professionnelle, c'est-à-dire 5 ans, c'est-à-dire 1000 millisieverts, ces salariés-là, on aurait une occurrence, on aurait donc un nombre de cancers de 4 à 5% parmi ces salariés-là. Mais selon une étude plus récente de l'OMS, ce risque ne serait pas de 4 à 5%, mais bien de 10, voire 12%. Si le risque n'est pas celui qu'on nous disait, il faut peut-être aujourd'hui revoir la norme. Et donc, ce n'est pas 20 millisieverts qu'il faudrait. Mais c'est 6, 10, je ne sais pas. Il faudrait recalculer le compromis social, c'est-à-dire le nombre de morts acceptables par la société. C'est ça une norme. C'est le nombre de morts acceptables par la société. C'est-à-dire que le bénéfice qu'on en tire doit être supérieur à l'inconvénient produit. Tout compte fait, en y réfléchissant bien, on pourrait dire que nous sommes les mineurs de Zola du 21e siècle. On sacrifie notre vie de famille, notre santé, pour le confort électrique de tout le pays. Bien dire, c'est que les gars qui font ce travail-là en ont vite marre. Ce qu'il faut, c'est que on n'enfonce pas un type parce qu'il a refusé d'entrer. D'entrer en zone radioactive. Oui, ça arrive. Il y a des moyens de pression pour faire intervenir les gars. Quel moyen de pression? On l'enfonce moralement ou pécuniairement. Aussi, il y a moyen. L'avancement en particulier. La suppression des primes systématiques. Presque la mise en quarantaine, quoi. Quand t'es jeune, tu arrives, t'as un salaire assez bas. On te fait miroiter les primes de poste, donc automatiquement tu vas en 5-8. Et ensuite tu as les primes de rendement, primes de productivité et primes de résultat. Il est très facile à comprendre qu'avec de tels arguments, quoi, certains gars prennent des risques. Les gars, ils arrivent à en avoir marre, physiquement, moralement, ils sont écœurés, Ils ont des coups de pompe assez fréquents. Il y a donc des gens malades. Il y a eu quelques décès. Et on a tous peur, quoi, en fin de compte, de cette maladie qu'on craint tous, hein, c'est la leucémie. Il est arrivé des cas sur le centre. Enfin, bien sûr, officiellement, ce n'est pas plus fréquent que dans la population habituelle. Mais à l'heure actuelle, il est sûr que beaucoup de gens se posent des questions. On arrive tous à avoir un certain nombre de temps de travail. Et certains gars ont peur même maintenant, c'est sûr. Mais y a-t-il eu des cas reconnus comme maladie professionnelle ? En 10 ans, l'administration n'a reconnu qu'une seule leucémie comme maladie professionnelle, en 1975. Il y a eu des cas reconnus maladie professionnelle. Mais néanmoins, ça n'arrange rien. Il est trop tard quand tu t'en aperçois. Bleu, vert, jaune, orange et rouge. En optique, par longueur d'onde croissante. En radioprotection, par risque croissant d'exposition des extrémités, mains, pieds, chevilles, avant-bras, au rayonnement ionisant. Les sources radioactives sont réglementées, les zones de travail aussi, dès lors qu'un risque d'irradiation ou de contamination existe. 3 pales d'une hélice ou d'un trèfle à 3 feuilles sur un fond de couleur. Signe noir sur fond blanc, zone non réglementée. Sur fond bleu, zone surveillée. Sur fond jaune, vous entrez en zone contrôlée. Les couleurs, on finit par les avoir en tête, le spectre entier. L'ultraviolet à l'infrarouge, avec une attention particulière pour les couleurs chaudes, la nuit surtout. Comme une barre de fer chauffée à blanc qui passe par toutes les nuances du rouge. Donc jusque dans nos rêves, sans qu'on y prenne garde, dès les premiers jours du stage d'habilitation, quand on découvre la signalétique en vigueur et la logique qu'il y a derrière. À la fin du stage, un questionnaire valide les acquis, et ceux qui échouent sont mis sur la touche. Lui aussi revient en rêve. Pour conjurer le mauvais sort, on essaye de répondre au plus vite. Et les couleurs défilent, et jusque dans ces moments-là, la mémoire fidèle choisit les bonnes réponses. Les zones surveillées en bleu, au-delà les zones contrôlées, vert, jaune, orange, et la zone interdite, trèfle noir sur fond rouge. Brutalement, les 3 pales entrent en rotation d'un ventilateur qui n'a rien à faire là. Vous voulez avancer, vous devez franchir le sas, mais c'est un courant puissant qui vous pousse à la marche arrière. Et vous luttez devant, trèfle noir, le signe du nucléaire, sur fond rouge, rendu inaccessible. C'est la tête de mort des bidons de TNT qu'on devrait y voir, mais le rêve en décide autrement. Et si la chaleur monte et en même temps la sensation de froid, c'est qu'on est en nage, sous une couverture tirée, on ne sait pas pourquoi, jusque par-dessus la tête. Et quand on se réveille dans le ronflement du voisin, la dernière image qu'on accroche est bel et bien celle du contremaître qui vous dit d'avancer, mais vous ne pouvez pas, et qui ne voit rien, et qui vous intime l'ordre, et vous voulez lui dire ce qui vous empêche, et vous empêtre, et vous luttez contre. Et c'est un vent de tempête propulsé à votre encontre, et vous luttez contre. Vous voulez lui dire, mais rien ne sort. Et le bruit est terrible, comme un rotor d'hélicoptère. Et lui ne voit pas, n'entend pas, et rien ne sort de votre gorge, muret. Vous ne pouvez rien dire, et vous êtes en nage. Et c'était au mois de mars 1988. On m'a appelé en disant « Bon, on a du boulot pour vous. Vous devez vous présenter à la centrale de chaux lundi, je crois, c'était un lundi, à 8h. On voit une superbe piscine dans la zone. On rigole avec le copain. On dit « On n'a jamais plongé dans une eau aussi propre dans la vie, une bleue cobalt. » Je sais pas quoi, on blague un peu. Donc en fait, c'était la piscine de refroidissement de déchets radioactifs. On nous met des tas des appareils de mesure sur nous, on plonge. Et au moment où je veux sortir par les portes, je ne sais plus sortir. Donc, on m'indique que j'ai une poussière. Donc en fait, c'est un détecteur de poussière qui est là, et tant que vous n'êtes pas propre, vous ne sortez pas, la porte ne s'ouvre pas. Monsieur Lambert, venez vous présenter. Vous avez été contaminé au cobalt. Qu'est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas tellement de choses à faire. La seule chose, c'est que vous risquez une leucémie. Puisqu'il n'y a rien à faire, donc tout. On ne sent rien, on ne sent pas mal, on a aucune odeur sur nous, on n'a aucune douleur. Bon, peut-être que ça passera. On se dit peut-être que j'échapperai à ce truc-là. Et alors, il a fallu 15 ans après pour que tout d'un coup... Pendant 8 mois, j'ai marché à quatre pattes. Il y a des immunosuppresseurs qui vous détruisent tellement que tout d'un coup, vous tombez. Il n'y a plus rien qui vous tient. Vous n'êtes qu'une charpente de squelette et que tout d'un coup, les muscles se relâchent et vous tombez comme un drap par terre. Vous avez des espèces d'ecchymoses qui restent pendant des mois et des mois sur votre tête, sur votre corps et toute l'histoire. Vous êtes un monstre. Vous êtes comme sorti de Buchenwald ou... Et là, on est arrivé donc à mettre en demeure l'EDF en demandant des dommages et intérêts là-dessus. Et l'EDF nous a dit qu'il y a prescription après 10 ans. Donc, il y a une prérogative spéciale pour le nucléaire, c'est qu'un accident de travail, après 10 ans, n'est plus un accident de travail. Pour tous ceux qui n'ont rien à perdre, il y a toujours des emplois sur l'unité 1 de la centrale de Fukushima. Matsushita était en train de dormir dans un parc de Tokyo, entre les quatre cartons qui lui servent de logement, lorsque deux hommes s'approchèrent pour lui faire une proposition. Il ne fallait aucune compétence particulière, il serait payé deux fois plus que dans son dernier emploi comme manœuvre et serait de retour dans 48 heures. Deux jours après, cet ancien cadre ruiné et 10 autres mendiants furent transportés à la centrale, située à 200 km au nord de la capitale, et enregistrés comme nettoyeurs. Nettoyeurs de quoi ? Demanda l'un d'entre eux, alors que le contremaître leur distribuait des vêtements spéciaux et les amenait dans une immense pièce métallique de forme cylindrique. 3 ans après cette visite à la centrale de Fukushima, un panneau jaunâtre écrit en japonais alerte les SDF du parc Shinjuku à Tokyo de ne pas aller dans les centrales nucléaires. On peut lire « N'accepte pas le travail, il te tuera ». Mais pour beaucoup d'entre eux, le panneau est apparu trop tard. Le recrutement des mendiants, petits délinquants, émigrants et pauvres, pour effectuer les travaux les plus risqués dans les centrales atomiques japonaises, a été une pratique habituelle pendant plus de 3 décennies et l'est encore aujourd'hui. D'après les recherches de Yuko Fujita, docteur en physique de la prestigieuse université japonaise de Keio, entre 700 et 1100 abris sont morts et des milliers ont contracté un cancer durant cette période. Les esclaves du nucléaire constituent l'un des secrets les mieux gardés du Japon. Très peu de gens connaissent cette pratique dans laquelle sont impliquées certaines des entreprises les plus importantes du pays et la mafia redoutée des yakuza qui se charge de chercher, sélectionner et engager les SDF pour les compagnies électriques. Les mafias servent d'intermédiaires. Les entreprises payent 30 000 yens par jour de travail, mais l'ouvrier ne reçoit que 20 000. Les yakuza empochent la différence, explique Kenji Higuchi, un journaliste qui enquête et rassemble des documents photographiques depuis 30 ans sur le drame des mendiants au Japon. Plus de 70 000 personnes travaillent en continu dans les 17 centrales japonaises et les 52 réacteurs répartis dans tout le pays. Bien que l'industrie nucléaire prenne soin de ses employés pour les postes plus techniques, plus de 80% des personnels sont des employés sans formation, avec des contrats à durée limitée et provenant des couches de la population les moins favorisées. Les SDF sont réservés pour les tâches les plus risquées, du nettoyage des réacteurs à la décontamination lorsque les fuites se produisent, ou aux travaux de réparation, là où aucun ingénieur n'oserait jamais approcher. Les mendiants qui acceptent de travailler dans les centrales nucléaires deviennent ce que l'on appelle communément les Gentapsu Gypsy, les gitans du nucléaire. Le nom évoque la vie nomade qui les mène de centrale en centrale à la recherche de travail jusqu'à ce qu'ils tombent malades et, dans les cas les plus graves, meurent abandonnés. L'embauche des pauvres n'est possible qu'avec la connivence du gouvernement, se plaint Kenji Higuchi, lauréat de plusieurs prix pour les droits humains. En théorie, les entreprises qui gèrent les centrales nucléaires embauchent les SDF jusqu'à ce qu'ils aient reçu la dose maximale de radiation, et les jette ensuite à la rue pour leur bien et leur santé. En réalité, ces manœuvres peuvent être à nouveau embauchées quelques jours plus tard ou quelques mois après sous de faux noms. C'est l'explication du fait que de nombreux employés aient pu être exposés durant presque une décade à des doses de radioactivité des centaines de fois plus élevées que les doses permises. La centrale nucléaire de Fukushima, où furent amenés Matsushita et une dizaine de SDF, a été accusée plusieurs fois d'embaucher systématiquement des ouvriers dans la rue. Yukio Fujita, le scientifique de l'université de Keio, affirme qu'en 1999, ses responsables recrutèrent 1 000 000 de personnes pour remplacer le sarcophage qui enveloppait un des réacteurs. Trois ans après sa propre expérience à Fukushima, Matsushita admet avoir accepté 2 ou 3 jobs de plus. En contrepartie, il a perdu la seule chose qui lui restait. La santé. Il y a quelques mois, il a commencé à perdre les cheveux, puis les nausées commencèrent. Un peu plus tard, une maladie dégénérative fut diagnostiquée. Ils m'ont dit qu'il fallait que je m'attende à une mort lente. Que devient l'individu dans ces crises nucléaires? Il n'est plus qu'un concept vieillot et sans intérêt. Il est impossible d'assurer une protection des individus en même temps qu'une protection de la société dans son ensemble. Il ne s'agit pas d'un choix délibéré qui privilégierait le collectif au détriment de l'individuel, mais d'une nécessité. L'établissement de normes de contamination acceptables des denrées alimentaires après l'accident de Tchernobyl a bien mis ce phénomène en évidence. Pour protéger égalitairement les individus, les normes devraient être différenciées suivant les classes d'âge et les niveaux de santé de la population, ce qui est impossible à mettre en œuvre pratiquement. Il faudrait en effet aligner les normes sur les catégories les plus sensibles et les plus menacées, comme les femmes enceintes, afin d'assurer leur protection. Cela pourrait conduire à priver les autres groupes plus résistants de ressources importantes et éventuellement les acculer à la famine. Le coût économique correspondant aux pertes de produits agricoles serait exorbitant. Les experts chargés de l'établissement des normes de contamination des aliments en vue de la gestion des crises futures, dans les pays les plus nucléarisés comme la France, sont en réalité les représentants d'intérêts économiques et non pas les défenseurs de la santé publique. Bien que l'individu soit nié en général, il demeure fort utile pour déculpabiliser les autorités en cas de crise. L'erreur humaine, manifestation de l'irrationalité des individus, permet de tout expliquer rationnellement, même les échecs de la rationalité. Comme l'erreur humaine est par nature inévitable, elle justifie et excuse a priori l'existence d'échecs catastrophiques. Pour les experts nucléaristes, il n'y a d'erreur humaine qu'au niveau de l'exploitation. Il n'est pas question d'y inclure les erreurs des concepteurs. Celles-ci sont classées dans les défaillances techniques du matériel, placées implicitement dans l'ordre du naturel. Quelle solution rationnelle peut-on envisager? Les robots et la télémanipulation informatique seront le salut et le gage d'une sécurité absolue, pour l'avenir. L'homme étant le maillon le plus faible de tout le système, il est bien tentant de l'éliminer. La machine automatique n'a pas d'état d'âme. Si elle était capable de s'auto-programmer, la sécurité absolue deviendrait possible car indépendante des comportements humains. Par cette programmation, c'est le suicide de l'homme qui est initié. Pour le moment, le problème des erreurs des concepteurs n'est que très timidement abordé, voire totalement ignoré. Cependant, il se posera un jour sous la pression des catastrophes, et seules des purges rituelles de boucs émissaires pourront le résoudre. La société nucléaire est une invention moderne, mais les solutions dont elle dispose pour résoudre ces crises demeurent assez archaïques. L'avenir nucléaire ne se présente pas obligatoirement sous une forme apocalyptique. Il implique une société sans moralité, sans vie, ce qui ne suppose pas la disparition biologique de notre espèce. Mais ce qu'on a l'habitude de désigner sous le nom d'humanité, peut-il survivre et vivre sans un minimum de moralité, gage de sociabilité? C'est peut-être ce danger que les hommes et les femmes redoutent le plus et qui enrayera l'évolution vers la société nucléaire totalitaire. Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lafabriquedeloubli.noblog.org. Des armées d'ingénieurs attablés sous des lampes, dans de vastes bureaux à la périphérie des villes, calculent des fonctions et dessinent des courbes en cloche. Des robots japonais aux bras d'acier répètent les gestes, les échauffements, les frottements pour détecter par où s'insinuera l'usure, l'usure certaine. C'est une question statistique aux variables précises, intégrées dans les schèmes de la production mécanisée d'objets intrinsèquement défectueux. L'usure inoculée, à sa place décidée, surgit ici, au moment choisi. L'objet crisse et semble siffler une litanie bien huilée avant de céder devant l'usure intégrée, d'être refabriqué, d'être retransporté et d'être racheté encore. Souveraine.